Chapitre 50e, la possédée. Tout le fracas de ces chars retentissants, tout le bruit de ces cloches chantant à pleine volée, tous ces roulements de tambours joyeux, toute cette majesté, reflet des majestés du monde perdu pour elle, glissèrent sur l'âme de Madame Louise et vinrent expirer, comme le flot inutile, au pied des murs de sa cellule. Quand le roi fut parti, après avoir inutilement essayé de rappeler en père et en souverain, c'est-à-dire par un sourire auquel succédèrent des prières qui ressemblaient à des ordres, sa fille au monde, quand la dauphine, que frappa du premier coup d'œil cette grandeur d'âme véritable de son auguste tante, eut disparu avec son tourbillon de courtisans, la supérieure des carmélites fit descendre les tentures, enlever les fleurs, détacher les dentelles. De toute la communauté encore émue, elle seule ne sourcilla point, quand les lourdes portes du couvent, un instant ouvertes sur le monde, roulèrent pesamment et se refermèrent avec bruit entre le monde et la solitude. Puis elle fit venir la trésorière. « Pendant ces 2 jours de désordre, demanda-t-elle, les pauvres ont-ils reçu les aumônes accoutumées ?»« Oui, madame. » »« Les malades ont-ils été visités comme de coutume ?»« Oui, madame. » »« A-t-on congédié les soldats un peu rafraîchis ?»« Tous ont reçu le pain et le vin que madame avait fait préparer. » »« Ainsi rien n'est en souffrance dans la maison ?»« Rien, madame. » Madame Louise s'approcha de la fenêtre et aspira doucement la fraîcheur embaumée qui monte du jardin sur l'aile humide des heures voisines de la nuit. La trésorière attendait respectueusement que l'auguste abbesse donnât un ordre ou un congé. Madame Louise, Dieu seul sait à quoi songeait la pauvre recluse royale en ce moment, Madame Louise effeuillait des roses à haute tige qui montaient jusqu'à sa fenêtre et des jasmins qui tapissaient les murailles de la cour. Tout à coup, un violent coup de pied de cheval ébranla la porte des communs et fit tressaillir la supérieure. « Qui donc est resté à Saint-Denis de tous les seigneurs de la cour ?» demanda Madame Louise. « Son éminence le cardinal de Rouen, madame. Les chevaux sont-ils donc ici ?»« Non, madame, ils sont au chapitre de l'abbaye où ils passeraient la nuit. »« Qu'est-ce donc que ce bruit alors ?»« Madame, c'est le bruit que fait le cheval de l'étrangère. »« Quelle étrangère ?» demanda Madame Louise, cherchant à rappeler ses souvenirs. « Cette italienne qui est venue hier soir demander l'hospitalité à son Altesse. »« Ah, c'est vrai, où est-elle ?»« Dans sa chambre ou à l'église ?» Qu'a-t-elle fait depuis hier ? Depuis hier, elle a refusé toute nourriture, excepté le pain, et toute la nuit, elle a prié dans la chapelle. Quelque grande coupable, sans doute ? Dit la supérieure, fronçant le sourcil. Je l'ignore, madame, elle n'a parlé à personne. Quelle femme est-ce ? Belle et d'une physionomie douce et fière à la fois. Ce matin, pendant la cérémonie, où se tenait-elle ? Dans sa chambre, près de sa fenêtre, où je l'ai vue, abritée derrière ses rideaux, fixée sur chaque personne un regard plein d'anxiété. Comme si, dans chaque personne qui entrait, elle eût créé un ennemi. Quelques femmes de ce pauvre monde où j'ai vécu, où j'ai régné, faites entrer. La trésorière fit un pas pour se retirer. « Ah, sait-on son nom ?» demanda la princesse. « Lorenza Feliciani. »« Je ne connais personne de ce nom, » dit Madame Louise, rêvant. « N'importe, introduisez cette femme. » La supérieure s'assit dans un fauteuil séculaire. Il était de bois de chêne, avait été sculpté sous Henri II, y avait servi aux 9 dernières abbesses des Carmélites. C'était un tribunal redoutable, devant lequel avaient tremblé bien des pauvres novices, prises entre le spirituel et le temporel. La trésorière entra un moment après, amenant l'étrangère au long voile que nous connaissons déjà. Madame Louise avait l'œil perçant de la famille. Cet œil fut fixé sur Lorenza Feliciani, du moment où elle entra dans le cabinet. Mais elle reconnut dans la jeune femme tant d'humilité, tant de grâce, tant de beauté sublime. Elle vit enfin tant d'innocence dans ses grands yeux noirs noyés de larmes encore récentes, que ses dispositions vers elle, d'hostiles qu'elles étaient d'abord, devinrent bienveillantes et fraternelles. « Approchez, madame, » dit la princesse, « et parlez. » La jeune femme fit un pas en tremblant et voulut mettre un genou en terre. La princesse la releva. « N'est-ce pas vous, madame, » dit-elle, « qu'on appelle Lorenza Feliciani ?»« Oui, madame. » « Et vous désirez me confier un secret ?»« Oh, j'en meurs de désir !» « Mais pourquoi n'avez-vous pas recours au tribunal de la pénitence ? Je n'ai pouvoir que de consoler, moi. » « Un prêtre console et pardonne. » Madame Louise prononça ces derniers mots en hésitant. « Je n'ai besoin que de consolation, madame, » répondit Lorenza. « Et d'ailleurs, c'est à une femme seulement que j'oserais dire ce que j'ai à vous raconter. » « C'est donc un récit bien étrange que celui que vous allez me faire. » « Oui, bien étrange. Mais écoutez-moi patiemment, madame. » C'est à vous seul que je puis parler, je vous le répète, parce que vous êtes toute puissante, et qu'il me faut presque le bras de Dieu pour me défendre. vous défendre. Mais on vous poursuit donc? Mais on vous attaque donc? Oh oui, madame, oui, l'on me poursuit, s'écria l'étrangère avec un indicible effroi. Alors, madame, réfléchissez à une chose, dit la princesse, c'est que cette maison est un couvent et non une forteresse. C'est que rien de ce qui agite les hommes n'y pénètre que pour s'éteindre. C'est que rien de ce qui peut les servir contre les autres hommes ne s'y trouve. Ce n'est point ici la maison de la justice, de la force et de la répression. C'est tout simplement la maison de Dieu. Oh, voilà, voilà ce que je cherche justement, dit Lorenza. Oui, c'est la maison de Dieu. Car dans la maison de Dieu seulement, je puis vivre en repos. Mais Dieu n'admet pas les vengeances. Comment voulez-vous que nous nous vengions de votre ennemi? Adressez-vous aux magistrats. Les magistrats ne peuvent rien, madame, contre celui que je redoute. Qu'est-il donc? Fit la supérieure avec un secret involontaire effroi. Lorenza se rapprocha de la princesse sous l'empire d'une mystérieuse exaltation. « Ce qu'il est, madame, dit-elle, c'est, j'en suis certaine, un de ces démons qui font la guerre aux hommes et que Satan, leur prince, a doué d'une puissance surhumaine. Que me dites-vous là? Fit la princesse en regardant cette femme pour bien s'assurer qu'elle n'était pas folle. « Et moi, moi, ô malheureuse que je suis !» s'écria Lorenza, en tordant ses beaux bras, qui semblaient moulés sur ceux d'une statue antique. « Moi, je me suis trouvé sur le chemin de cet homme, et moi, moi, je suis... achevé !» Lorenza se rapprocha encore de la princesse, puis, tout bas, et comme épouvantée elle-même de ce qu'elle allait dire, « Moi, je suis possédée » murmura-t-elle. « Possédée ? » s'écria la princesse. « Voyons, madame, dites, êtes-vous dans votre bon sens, et ne seriez-vous point folle, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire? Non, je ne suis pas folle, mais je pourrais bien le devenir si vous m'abandonnez. Possédée? Répéta la princesse. Hélas, hélas! Mais, permettez-moi de vous le dire, je vous vois en toutes choses semblables aux autres créatures les plus favorisées de Dieu. Vous paraissez riche, vous êtes belle, vous vous exprimez raisonnablement, votre visage ne porte aucune trace de cette terrible et mystérieuse maladie qu'on appelle la possession. Madame, c'est dans ma vie, c'est dans les aventures de cette vie que réside le secret sinistre que je voudrais me cacher à moi-même. Expliquez-vous, voyons. Suis-je donc la première à qui vous parlez de votre malheur? Vos parents, vos amis? Mes parents? S'écria la jeune femme en croisant les mains avec douleur. Pauvres parents, ne reverrai-je jamais. Des amis? Ajouta-t-elle avec amertume. « Hélas, madame, est-ce que j'ai des amis ?»« Voyons, procédons par ordre, mon enfant, » dit madame Louise, essayant de tracer un chemin aux paroles de l'étrangère. « Quels sont vos parents, et comment les avez-vous quittés ?»« Madame, je suis romaine et j'habite à Rome avec eux. Mon père est de vieille noblesse, mais, comme tous les patriciens de Rome, il est pauvre. J'ai de plus ma mère et un frère aîné. » »« En France, m'a-t-on dit, lorsqu'une famille aristocratique comme la mienne, un fils et une fille, on sacrifie la dot de la fille pour acheter l'épée du fils. Chez nous, on sacrifie la fille pour pousser le fils dans les ordres. Or, je n'ai, moi, reçu aucune éducation, parce qu'il fallait faire l'éducation de mon frère qui étudie, comme disait naïvement ma mère, afin de devenir cardinal. Après, il en résulte, madame, que mes parents s'imposèrent tous les sacrifices qu'il était en leur pouvoir de s'imposer pour aider mon frère, et que l'on résolut de me faire prendre le voile chez les carmélites de Subiaco. Et vous, que disiez-vous? Rien, madame. Dès ma jeunesse, on m'avait présenté cet avenir comme une nécessité. Je n'avais ni force ni volonté. On ne me consultait pas, d'ailleurs. On l'ordonnait, et je n'avais pas autre chose à faire que d'obéir. Cependant, madame, nous n'avons, nous autres filles romaines, que désir et impuissance. Nous aimons le monde comme les damnés aiment le paradis, sans le connaître. D'ailleurs, j'étais entouré d'exemples qui m'eussent condamné si l'idée m'était venue de résister, mais elle ne me vint pas. Toutes les amies que j'avais connues, et qui, comme moi, avaient des frères, avaient payé leurs dettes à l'illustration de la famille. J'aurais été mal fondé à me plaindre. On ne me demandait rien qui sortît des habitudes générales. Ma mère me caressa un peu plus seulement quand le jour s'approcha pour moi de la quitter. Enfin, le jour où je devais commencer mon noviciat arriva. Mon père réunit 500 écus romains, destinés à payer ma dot au couvent, et nous partîmes pour Subiaco. Il y a 8 à 9 lieues de Rome à Subiaco, mais les chemins de la montagne sont si mauvais que 5 heures après notre départ, nous n'avions fait encore que 3 lieues. Cependant, le voyage, tout fatigant qu'il était en réalité, me plaisait. Je lui souriais, comme à mon dernier bonheur, et tout le long du chemin, je disais tout bas adieu aux arbres, aux buissons, aux pierres, aux herbes desséchées même. Qui savait si là-bas, au couvent, il y avait de l'herbe, des pierres, des buissons et des arbres? Tout à coup, au milieu de mes rêves, et comme nous passions entre un petit bois et une masse de rochers crevassés, la voiture s'arrêta. J'entendis ma mère pousser un cri. Mon père fit un mouvement pour saisir des pistolets. Mes yeux et mon esprit retombèrent du ciel sur la terre. Nous étions arrêtés par des bandits. « Pauvre enfant !» dit Madame Louise, qui prenait de plus en plus d'intérêt à ce récit. « Eh bien, vous le dirai-je, madame, je ne fus pas fort effrayé, car ces hommes nous arrêtaient pour notre argent, et l'argent qu'ils allaient nous prendre était destiné à payer ma dot au couvent. S'il n'y avait plus de dot, mon entrée au couvent était retardée, de tout le temps qu'il faudrait à mon père pour en trouver une autre, et je savais la peine et le temps que ces 500 écus avaient coûté à réunir. Mais quand, après ce premier butin partagé, au lieu de nous laisser continuer notre route, les bandits s'élancèrent sur moi, quand je vis les efforts de mon père pour me défendre, quand je vis les larmes de ma mère pour les supplier, je compris qu'un grand malheur, qu'un malheur inconnu me menaçait, et je me mis à crier miséricorde par ce sentiment naturel qui vous porte à appeler au secours, car je savais bien que j'appelais inutilement, et que dans ce lieu sauvage personne ne m'entendrait. Aussi, sans s'inquiéter de mes cris, des larmes de ma mère, des efforts de mon père, les bandits me lièrent les mains derrière le dos, et me brûlant de leur regard hideux que je compris alors, tant la terreur me faisait clairvoyante, ils se mirent, avec des dés qu'ils tirèrent de leur poche, à jouer sur le mouchoir de l'un d'eux. Ce qui m'effrayait le plus, c'est qu'il n'y avait point d'enjeu sur l'ignoble tapis. Pendant tout le temps que les dés passèrent de main en main, je frissonnais, car je compris que j'étais la chose qu'ils jouaient. Tout à coup, l'un d'eux, poussant un rugissement de triomphe, se leva, tandis que les autres blasphémaient en grinçant des dents, courut à moi, me saisit dans ses bras et posa ses lèvres sur les miennes. Le contact d'un fer rouge ne m'eût point fait pousser un cri plus déchirant. « Oh, la mort, mon Dieu » m'écriai-je. Ma mère se roulait sur la terre, mon père s'évanouit. Je n'avais plus qu'un espoir, c'est que l'un ou l'autre des bandits qui avaient perdu me tueraient, dans un moment de rage, d'un coup de couteau qu'ils serraient dans leurs mains crispées. J'attendais le coup, je l'espérais, je l'invoquais. Tout à coup, un homme à cheval parut dans le sentier. Il avait parlé bas à une des sentinelles qu'il avait laissé passer en échangeant un signe avec lui. Cet homme, de taille moyenne, d'une physionomie imposante, d'un coup d'œil résolu, continua de s'avancer calme et tranquille au pas ordinaire de son cheval. Arrivé en face de moi, il s'arrêta. Le bandit, qui déjà m'avait prise dans ses bras et qui commençait à m'emmener, se retourna au premier coup de sifflet que cet homme donna dans le manche de son fouet. Le bandit me laissa glisser jusqu'à terre. « Viens ici !» dit l'inconnu. Et comme le bandit hésitait, l'inconnu forma un angle avec son bras, posa deux doigts écartés sur sa poitrine, et comme si ce signe eût été l'ordre d'un maître tout-puissant, le bandit s'approcha de l'inconnu. Celui-ci se pencha à l'oreille du bandit, et tout bas prononça ce mot « Mac ». Il ne prononça que ce seul mot, j'en suis sûr. Moi qui regardais comme on regarde le couteau qui va vous tuer. Moi qui écoutais comme on écoute quand la parole qu'on attend doit être la mort ou la vie. « Benac !» répondit le brigand. Puis, dompté comme un lion et rugissant comme lui, il revint à moi, détacha la corde qui me liait les poignets, et alla en faire autant à mon père et à ma mère. Alors, comme l'argent était déjà partagé, chacun vint à son tour déposer sa part sur une pierre. Pas un écu ne manqua aux 500 écus. Pendant ce temps, je me sentais revivre au bras de mon père et de ma mère. « Maintenant, allez !» dit-il aux bandits. Les bandits obéirent et rentrèrent dans le bois jusqu'au dernier. « Lorenza Feliciani !» dit alors l'étranger en me couvrant de son regard surhumain. « Continue ta route maintenant, tu es libre. » Mon père et ma mère remercièrent l'étranger qui me connaissait et que nous ne connaissions pas nous. Puis ils remontèrent dans la voiture. Je les suivis comme un regret, car je ne sais quelle puissance étrange, irrésistible, m'attirait vers mon sauveur. Lui était resté immobile à la même place, comme pour continuer de nous protéger. Je l'avais regardé tant que j'avais pu le voir, et ce n'est que lorsque je l'eus perdu de vue, tout à fait, que l'oppression qui serrait ma poitrine disparut. 2 heures après, nous étions à Subiaco. « Mais quel était donc cet homme extraordinaire ? » demanda la princesse, émue de la simplicité de ce récit. « Daignez encore m'écouter, madame, » dit Lorenza. « Hélas, tout n'est pas fini. »« J'écoute, » dit madame Louise. La jeune femme continua. Nous arrivâmes à Subiaco 2 heures après cet événement. Pendant toute la route, nous n'avions fait que nous entretenir, mon père, ma mère et moi, de ce singulier sauveur qui nous était venu tout à coup, mystérieux et puissant, comme un envoyé du ciel. Mon père, moins crédule que moi, le soupçonnait chef d'une de ces bandes qui, bien que divisées en fragments autour de Rome, relèvent de la même autorité et sont inspectées de temps en temps par le chef suprême, lequel, investi d'une autorité absolue, récompense, punit et partage. Mais moi qui cependant ne pouvais lutter d'expérience avec mon père, moi qui obéissais à mon instinct, qui subissais le pouvoir de ma reconnaissance, je ne croyais pas, je ne pouvais pas croire que cet homme fût un bandit. Aussi, dans mes prières de chaque soir à la Vierge, je consacrais une phrase destinée à appeler les grâces de la Madone sur mon sauveur inconnu. Dès le même jour, j'entrai au couvent. La dot était retrouvée, rien n'empêchait qu'on ne m'y reçût. J'étais plus triste, mais aussi plus résigné que jamais. Italienne et superstitieuse, cette idée m'était venue que Dieu tenait à me posséder pur, entière et sans tache, puisqu'il m'avait délivré de ces bandits, suscité sans doute par le démon pour souiller la couronne d'innocence que Dieu seul devait détacher de mon front. Aussi m'élançai-je avec toute l'ardeur de mon caractère dans les empressements de mes supérieurs et de mes parents. On me fit adresser une demande au souverain pontife à l'effet de me voir dispenser du noviciat. Je l'écrivis, je la signai. Elle avait été rédigée par mon père dans les termes d'un si ardent désir que sa sainteté crut voir, dans cette demande, l'ardente aspiration d'une âme dégoûtée du monde vers la solitude. Elle accorda tout ce qu'on lui demandait, et le noviciat d'un an, de 2 ans quelquefois pour les autres, fut par faveur spéciale fixé pour moi à 1 mois. On m'annonça cette nouvelle qui ne me causa ni douleur ni joie. On eût dit que j'étais déjà morte au monde, et que l'on opérait sur un cadavre auquel son ombre impassible survivait seul. 15 jours on me tint renfermé, de crainte que l'esprit mondain ne me vînt saisir. Vers le matin de ce 15e jour, je reçus l'ordre de descendre à la chapelle avec les autres sœurs. En Italie, les chapelles des couvents sont des églises publiques. Le pape ne croit pas sans doute qu'il soit permis à un prêtre de confisquer Dieu en quelque endroit qu'il se manifeste à ses adorateurs. J'entrai dans le chœur et je pris ma stalle. Il y avait, entre l'étoile verte qui fermait les grilles de ce chœur, ou plutôt qui affectait de les fermer, il y avait, dis-je, un espace assez grand pour que l'on distinguât la nef. Je vis par cet espace, donnant pour ainsi dire sur la terre, un homme demeuré seul debout au milieu de la foule prosternée. Cet homme regardait, ou plutôt, il me dévorait des yeux. Je sentis alors cet étrange mouvement de malaise que j'avais déjà éprouvé, cet effet surhumain qui m'attirait, pour ainsi dire, hors de moi-même, comme à travers une feuille de papier, une planche, un plat même. J'avais vu mon frère attirer une aiguille avec un fer aimanté. Hélas, vaincu, subjugué, sans force contre cette attraction, je me penchai vers lui. Je joignis les mains comme on les joint devant Dieu, et des lèvres et du cœur à la fois, je lui dis « Merci, merci ». Mes sœurs me regardèrent avec surprise. Elles n'avaient rien compris à mon mouvement, rien compris à mes paroles. Elles suivirent la direction de mes mains, de mes yeux, de ma voix. Elles se haussèrent sur leur stalle pour regarder à leur tour dans la nef. Je regardais aussi en tremblant, l'étranger avait disparu. Elles m'interrogèrent, mais je ne sus que rougir, pâlir et balbutier. « Depuis ce moment, madame, s'écria Lorenza avec désespoir, depuis ce moment je suis au pouvoir du démon. Je ne vois rien de surnaturel en tout ceci, cependant, ma sœur, répondit la princesse avec un sourire. Calmez-vous donc et continuez. Oh, parce que vous ne pouvez pas sentir ce que j'éprouvais moi. Qu'éprouvâtes-vous? La possession tout entière, mon cœur, mon âme, ma raison, le démon possédait tout. Ma sœur, j'ai bien peur que ce démon ne fût l'amour, dit madame Louise. Oh, l'amour ne m'eût point fait souffrir ainsi. L'amour n'eût point oppressé mon cœur. L'amour n'eût point secoué tout mon corps comme le vent d'orage fait d'un arbre. L'amour ne m'eût pas donné la mauvaise pensée qui me vint. Dites cette mauvaise pensée, mon enfant. J'aurais dû tout avouer à mon confesseur, n'est-ce pas, madame? Sans doute. Eh bien, le démon qui me possédait me souffla tout bas, au contraire, de garder le secret. Pas une religieuse, peut-être, n'était entrée dans le cloître sans laisser dans le monde qu'elle abandonnait un souvenir d'amour. Beaucoup avaient un nom dans le cœur en invoquant le nom de Dieu. Le directeur était habitué à de pareilles confidences. Eh bien moi, si pieuse, si timide, si candidement innocente, moi, qui avant ce fatal voyage de Subiaco, n'avais jamais échangé une seule parole avec un autre homme que mon frère, moi, qui depuis lors n'avais croisé que deux fois mon regard avec l'inconnu, je me figurais, madame, qu'on m'attribuerait avec cet homme une de ces intrigues qu'avant de prendre le voile chacune de nos sœurs avait eues avec leurs regrettés amants. « Mauvaise pensée, en effet, » dit madame Louise, « mais c'est encore un démon bien innocent que celui qui n'inspire à la femme qu'il possède que de semblables pensées. Continuez. » Le lendemain, on me demanda au parloir. Je descendis. Je trouvai une de mes voisines de la Via Fratina, à Rome, jeune femme qui me regrettait beaucoup, parce que chaque soir nous causions et chantions ensemble. Derrière elle, auprès de la porte, un homme enveloppé d'un manteau l'attendait comme eût fait un valet. Cet homme ne se tourna point vers moi. Cependant, moi, je me tournai vers lui. Il ne me parla point et cependant, je le devinais. C'était encore mon protecteur inconnu. Le même trouble que j'avais déjà éprouvé se répandit dans mon cœur. Je me sentis tout entière envahie par la puissance de cet homme. Sans les barreaux qui me retenaient captive, j'eusse bien certainement été à lui. Il y avait dans l'ombre de son manteau des rayonnements étranges qui m'éblouissaient. Il y avait dans son silence obstiné des bruits entendus de moi seul, et qui me parlait une langue harmonieuse. Je pris sur moi-même toute la puissance que je pouvais avoir et demandai à ma voisine de la Via Fratina quel était cet homme qui l'accompagnait. Elle ne le connaissait point. Son mari devait venir avec elle. Mais au moment de partir, il était rentré accompagné de cet homme et lui avait dit « Je ne puis te conduire à Subiaco, mais voici mon ami qui t'accompagnera. » Elle n'en avait pas demandé davantage, tant elle avait envie de me revoir. Elle était venue dans la compagnie de l'inconnu. Ma voisine était une sainte femme. Elle vit dans un coin du parloir une madone qui avait la réputation d'être fort miraculeuse. Elle ne voulait point sortir sans y avoir fait sa prière. Elle alla s'agenouiller devant elle. Pendant ce temps, l'homme entra sans bruit, s'approcha lentement de moi, ouvrit son manteau et plongea ses regards dans les miens comme il le fait de deux rayons ardents. J'attendais qu'il parlât. Ma poitrine se soulevait, pour ainsi dire, montant comme une vague au-devant de sa parole. Mais il se contenta d'étendre ses deux mains au-dessus de ma tête en les approchant de la grille qui nous séparait. Aussitôt, une extase inouïe s'empara de moi. Il me souriait. Je lui rendis son sourire, tout en fermant les yeux, comme écrasé sous une langueur infinie. Pendant ce temps, comme il n'avait pas désiré autre chose que de s'assurer de sa puissance sur moi, il disparut. À mesure qu'il s'éloignait, je reprenais mes sens. Cependant, j'étais encore sous l'empire de cette étrange hallucination. Quand ma voisine de la Via Fratina, ayant achevé sa prière, se releva, prit congé de moi, m'embrassa et sortit à son tour. En me déshabillant le soir, je trouvai sous ma guimpe un billet qui contenait seulement ces trois lignes. À Rome, celui qui aime une religieuse est puni de mort. Donnerez-vous la mort à qui vous devez la vie ? De ce jour, madame, la possession fut complète, car je mentis à Dieu, en ne lui avouant pas que je songeais cet homme autant et plus qu'à lui. Lorenza, effrayée elle-même de ce qu'elle venait de dire, s'arrêta pour interroger la physionomie si douce et si intelligente de la princesse. « Tout cela n'est point de la possession, » dit madame Louise de France avec fermeté. C'est une malheureuse passion, je vous le répète, et je vous l'ai dit. Les choses du monde ne doivent point entrer jusqu'ici, sinon à l'état de regret. « Des regrets, madame ?» s'écria Lorenza. « Quoi ? Vous me voyez en larmes, en prière ? Vous me voyez à genoux, vous suppliant de me soustraire au pouvoir infernal de cet homme ? Et vous me demandez si j'ai des regrets ? Oh, j'ai plus que des regrets, j'ai des remords. » « Cependant, jusqu'à cette heure, » dit madame Louise, « attendez, attendez jusqu'au bout. » fit Lorenza. « Et alors, ne me jugez pas trop sévèrement, je vous en supplie, madame. » L'indulgence et la douceur me sont recommandées, et je suis aux ordres de la souffrance. « Merci, merci, vous êtes véritablement l'ange consolateur que j'étais venu chercher. » Nous descendions à la chapelle 3 jours par semaine. À chacun de ces offices, l'inconnu assista. J'avais voulu résister, j'avais dit que j'étais malade, j'avais résolu que je ne descendrais point. Faiblesse humaine, Quand venait l'heure, je descendais malgré moi, et comme si une force supérieure à ma volonté m'eût poussé. Alors, s'il n'était point arrivé, j'avais quelques instants de calme et de bien-être. Mais à mesure qu'il approchait, je le sentais venir. J'aurais pu dire, il est à 100 pas, il est au seuil de la porte, il est dans l'église, et cela sans regarder de son côté. Puis, arrivé à sa place accoutumée, mes yeux fussent-ils fixés sur mon livre de prière pour l'invocation la plus sainte, mes yeux se détournaient pour s'arrêter sur lui. Alors, si longtemps que se prolongea l'office, je ne pouvais plus lire ni prier. Toute ma pensée, toute ma volonté, toute mon âme étaient dans mes regards, et tous mes regards étaient pour cet homme qui, je le sentais bien, me disputait à Dieu. D'abord, je n'avais pu le regarder sans crainte. Ensuite, je le désirais. Enfin, je courais avec la pensée au-devant de lui, et souvent, comme on voit dans un songe, il me semblait le voir la nuit dans la rue ou le sentir passer sous ma fenêtre. Cet état n'avait point échappé à mes compagnes. La supérieure en fut prévenue. Elle prévint ma mère. 3 jours avant celui où je devais prononcer mes vœux, je vis entrer dans ma cellule les 3 seuls parents que j'eusse au monde, mon père, ma mère, mon frère. Ils venaient pour m'embrasser encore une fois, disaient-ils. Mais je vis bien qu'ils avaient un autre but, car rester seul avec moi, ma mère m'interrogea. Dans cette circonstance, il est facile de reconnaître l'influence du démon, car au lieu de tout lui dire, comme j'eusse dû le faire, je niais tout obstinément. Le jour où je devais prendre le voile était venu au milieu d'une étrange lutte, désirant et redoutant l'heure qui me donnerait tout entière à Dieu, et sentant bien que si le démon avait quelque tentative suprême à faire sur moi, ce serait à cette heure solennelle qu'il l'essaierait. Et cet homme étrange ne vous avait pas écrit depuis la première lettre que vous trouva dans votre guimpe ? Demanda la princesse. Jamais, madame. À cette époque, vous ne lui aviez jamais parlé ? Jamais, sinon mentalement. Ni écrit ? Oh, jamais. Continuez. Vous en étiez au jour où vous prîtes le voile. Ce jour-là, comme je le disais à votre Altesse, je devais enfin voir finir mes tortures, car tout mêlé qu'il était d'une douceur étrange, c'était un supplice inimaginable pour une âme restée chrétienne que l'obsession d'une pensée, d'une forme toujours présente et imprévue, toujours railleuse par l'à-propos qu'elle mettait à m'apparaître juste dans mes moments de lutte contre elle, et par son obstination à me dominer alors invinciblement. Aussi, il y avait des moments où j'appelais cette heure sainte de tous mes vœux. Quand je serai Dieu, me disais-je, Dieu saura bien me défendre, comme il m'a défendu lors de l'attaque des bandits. J'oubliais que lors de l'attaque des bandits, Dieu ne m'avait défendu que par l'entremise de cet homme. Cependant, l'heure de la cérémonie était venue. J'étais descendu à l'église, pâle, inquiète, mais cependant moins agité que d'habitude. Mon père, ma mère, mon frère, cette voisine de la Via Fratina qui m'était venue voir, tous nos autres amis étaient dans l'église, tous les habitants des villages voisins étaient accourus, car le but s'était répandu que j'étais belle, et une belle victime, dit-on, est plus agréable, Seigneur. L'office commença. Je la hâtais de tous mes vœux, de toutes mes prières, car il n'était pas dans l'église, et je me sentais, lui absent, assez maîtresse de mon libre arbitre. Déjà le prêtre se tournait vers moi, me montrant le Christ auquel j'allais me consacrer. Déjà j'étendais les bras vers ce seul et unique sauveur donné à l'homme, quand le tremblement habituel qui m'annonçait son approche commença d'agiter mes membres, quand le coup qui comprimait ma poitrine m'indiqua qu'il venait de mettre le pied sur le seuil de l'église, quand enfin l'attraction irrésistible amena mes yeux du côté opposé à l'autel, quelques efforts qu'ils fissent pour rester fidèles au Christ. Mon persécuteur était debout près de la chaire et plus appliqué que jamais à me regarder. De ce moment, je lui appartenais. Plus d'office, plus de cérémonie, plus de prière. Je crois qu'on me questionna selon le rite, mais je ne répondis pas. Je me souviens que l'on me tira par le bras, et que je vacillais comme une chose inanimée que l'on déplace de sa base. On me montra des ciseaux, sur lesquels un rayon de soleil venait refléter son éclair terrible. L'éclair ne me fit pas sourciller. Un instant après, je sentis le froid du fer sur mon cou, le grincement de l'acier dans ma chevelure. En ce moment, il me sembla que toutes les forces me manquaient, que mon âme s'élançait de mon corps pour aller à lui, et je tombais étendu sur la dalle, non pas, chose étrange, comme une personne évanouie, mais comme une personne prise de sommeil. J'entendis un grand murmure, puis je devins sourde, muette, insensible. la cérémonie fut interrompue avec un épouvantable tumulte. La princesse joignit les mains avec compassion. « N'est-ce pas, dit Lorenza, que c'est là un terrible événement, et dans lequel il est facile de reconnaître l'intervention de l'ennemi de Dieu et des hommes ? Prenez garde !» dit la princesse avec un accent de tendre compassion. « Prenez garde, pauvre femme. Je crois que vous avez trop de pente à attribuer au merveilleux, ce qui n'est que l'effet d'une faiblesse naturelle. En voyant cet homme, vous vous êtes évanouie, et voilà tout. Il n'y a rien d'autre chose. Continuez. Oh, madame, madame, ne me dites pas cela, s'écria Lorenza, ou du moins, attendez pour porter un jugement, que vous ayez tout entendu. Rien de merveilleux, continua-t-elle. Mais alors, n'est-ce pas, je fus ramenée à moi. 10 minutes, 1/4, 1 heure après mon évanouissement. Je me serais entretenue avec mes sœurs, j'aurais repris courage et foi parmi elles. Sans doute, dit madame Louise. Eh bien, n'est-ce pas ainsi que la chose est arrivée, madame, dit Lorenza d'une voix sourde et accélérée. Lorsque je revins à moi, il faisait nuit. Un mouvement rapide et saccadé me fatiguait depuis quelques minutes. Je soulevais ma tête, croyant être sous la voûte de la chapelle ou sous les rideaux de ma cellule. Je vis des rochers, des arbres, des nuages. Puis au milieu de tout cela, je sentais une haleine tiède qui me caressait le visage. Je crus que la sœur infirmière me prodiguait ses soins, et je voulus la remercier. Madame, ma tête reposait sur la poitrine d'un homme, et cet homme était mon persécuteur. Je portais les mains et les mains sur moi-même pour m'assurer si je vivais ou du moins si je veillais. Je poussai un cri. J'étais vêtu de blanc. J'avais sur le front une couronne de roses blanches, comme une fiancée ou comme une morte. La princesse poussa un cri. Lorenza laissa tomber sa tête dans ses deux mains. Le lendemain, continua sanglotant Lorenza, le lendemain, je vérifiai le temps qui s'était écoulé. Nous étions au mercredi. J'étais donc resté pendant 3 jours sans connaissance. Pendant ces 3 jours, j'ignore entièrement ce qui s'est passé.